Qu'aucun rasoir ne puisse nous séparer, Seigneur, souviens-nous, souviens-nous pour Jésus. J'ai vu un homme qui est blessé, oh. Peut-être la blessure n'a pas pu peut-être toucher la tête. Mais la tête souffre, le cœur et les pieds roux. Les pieds amènent le doigt à l'hôpital. Les yeux voient pour que le doigt ne trébuche point. La bouche explique le doigt qui est malade. Silentement, oh mon Jésus. Alors qu'aujourd'hui, un frère qui est tombé haut, les pieds sont contents, ça moi je n'ai jamais vu. La bouche critique, ça moi je n'ai jamais vu. Seigneur, cimente-moi, oh mon Jésus. Et apprends-moi à m'humilier, oh yeah. Environnés de leurs barrières, mais ils priaient pour que la pluie puisse tomber haut, inonder les barrières pour qu'ils puissent s'embrasser haut. Alors que aujourd'hui la pluie de l'arrière saison est tombée haut, pourquoi nos barrières existent-elles encore? Apprends-moi à m'humilier, oh yeah. J'ai vu dans l'arche de Noé, oh, les lions n'avaient pas dit, vous savez quand moi j'étais sur la terre, l'harmonie existait dans l'arche de Noé, oh, et l'arche de Noé. Aujourd'hui, c'est le message, oh, Seigneur, cimente-nous, oh mon Jésus. Et apprends-moi à m'humilier, oh. Si je n'arrive pas à parler du bien de mes frères, que j'essaie quand même de parler en bien, oh. Yeah, yeah. Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il arrive de fois que les soucis inondent mon cœur. Il arrive de fois que les soucis inondent mon âme. Il arrive de fois que j'ai pris, il n'y a pas de réponse. Il arrive de fois que mon ciel devint nuageux. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas un soleil quelque part. Et je te donne l'alphabet, oh mon Dieu. Fais-en tous les mots que tu veux, Seigneur. N'oublie pas de signer ma prière au nom de Jésus. Le nom infaillible. Prends A, B, C, E, feje Iji Ka ele Eme ele Ope Gu e Este Uve W X Y Z Seigneur Seigneur, faisons tous les mots que tu veux, mon Dieu. Mettez-y tous les soupirs inexprimables. N'oublie pas de signer ma prière au nom de Jésus, le nom infaillible, le nom du puissant vainqueur, le nom de mon époux. Que le célibat dérange ma foi. Il arrive de fois que la famille dérange mon cœur. Il arrive de fois que je me sens comme un Jonas. Cela ne veut pas dire que tu m'as abandonné, Seigneur.